بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم لفتاوى لصفة الفتاوى للشيخ محمد بن حزام حفظه الله تعالى. كيف فتاوى كلايمي quand on fait يعني quand on règle للأضاحي. فأبو تيمية خليل المعتنكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ويقول الله عز وجل في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشاهد من هذه الآية سورة الكوثر: صلي لربك وانحر، أكمل الصلاة للسيور وسكريفي. وفي قول الله عز وجل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Je sers ma salat et mon sacrifice, nusuk, mon amana, sacrifice, et ma vie et ma mort sont Allah, Seigneur des mondes, mon associé. Donc ces versets viennent nous démontrer la mashru'iyat al-dhabh lillah. يعني الأضاحي. Pour nous montrer que cela, il est légiféré en islam de faire des sacrifices pour Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه عبادة من أعظم العبادات. Parmi les plus grandes des adorations. وكما قد أخذنا في ثلاثة الأصول أن العبادات على قسمين: ما هو بدني وما هو مالي. Les adorations, il y en a qui sont corporelles, d'autres qui sont par les biens, par l'argent. Corporelles comme la salat. Et par les biens comme celle-ci. Al-dhabh, le fait de sacrifier, nusuk. Car tu as besoin d'acheter ce que tu vas sacrifier pour Allah. Ou alors, cela fait partie de tes biens, de base. Donc c'est une dépense. Donc ça rentre dans Al-ibada. Donc de là commence ces jours où le Eid approche pour Inch'Allah enseigner aux frères certaines règles relatives au sacrifice. D'accord. Et elles sont prises des fatawas, de certaines fatawas de Cheikh Mohammed ibn Hizam Hafizahullah Ta'ala. Quelques fatawas qu'il a émis quant au fait, yani quant aux règles de l'adahi. Donc là, Inch'Allah, on va les faire de façon brève et traduite directement par souci de gain de temps. Ça va être en deux parties, parce qu'il y a une partie des questions qui sont arrivées et l'autre, je ne les ai pas encore eues. Donc on va faire celle-là en premier. Donc il dit, Hafizahullah Ta'ala, Al-Adahi, ce qu'on appelle Adahi, c'est le pluriel de Udhiya. Et Udhiya, on peut dire Udhiya, on peut dire Idhiya. Avec une dhamma sur la Hamza, ou une kasra. Yani, c'est ce qu'on sacrifie. Et il s'agit là de celle du Eid. Elles ont été appelées Udhiya. Car elles ne se font, elles ne sont accomplies, c'est-à-dire ce sacrifice n'est accompli qu'au temps du Doha en général. Yom el-Eid, à l'heure du Doha. C'est pour ça qu'elles ont été appelées Udhiya. Et c'est quoi le dalil? C'est le hadith de Jundub ibn Abdillah radiallahu anhu dans le Sahihayn. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. Donc dans ce hadith de Jundub, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui a égorgé avant la salat, alors qu'il réégorge une bête à sa place. Là, il écrit chat. Chat, c'est une brebis, mais dans les règles, on va apprendre que c'est pas obligé que ce soit une brebis, forcément, que tu égorges. Donc, avant la salat, ce n'est pas compté. Et que celui qui ne l'a pas encore fait, alors qu'il le fasse, en nommant Allah, subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que ce sacrifice soit accompli après la salat. Également, c'est confirmé par le hadith de Abu Huraira. C'est plutôt un affar, les mawquf. Les ulama disent que c'est un affar qui est mawquf, c'est-à-dire c'est un affar qui s'arrête à Abu Huraira et qui ne remonte pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit Man kana 'indahu sa'a wa lam yudhihi fala yaqrabanna yusallana. Abu Huraira, il dit que celui qui a les moyens et qui n'égorge pas, alors qu'il ne s'approche pas de notre Moussallah, pour le Salat. Donc de là, les ulama, ils ont divergé. Est-ce que les Adahi, c'est une obligation ou pas? Le fait d'égorger pour le Eid, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Les ulama voient que cela est obligatoire. En se basant sur quoi? Sur le hadith de Al-Bara ibn Azib, que son oncle avait égorgé avant la salat. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonnait de recommencer. Donc ils se sont dit, ça c'est obligatoire. Quand même, ils ont pris ce hadith-là pour dire que c'est obligatoire. Car il leur dit que ce que tu as égorgé, ce n'est que de la viande, ce n'est pas valable. Donc de là, ils ont émis un jugement d'obligation. Également, il a dit Inna indi inaqan atujda'u anni. J'ai également une petite brebis. Est-ce qu'elle sera valable? C'est-à-dire, est-ce qu'elle rendra l'action valide si jamais je l'égorge? Il a dit oui. Donc eux, ils ont dit quoi? Le fait que l'action soit rendue valide et valable, ils voient que ça rentre dans les obligations. C'est leur jugement. Et d'autres, parmi les gens de science, parmi eux l'imam Ahmed, dans une version, et Al-Layth, et Al-Awza'i, et la plupart même des savants, voient que cela est moustahab, c'est recommandé seulement. La plupart des savants voient qu'il est moustahab d'égorger pour l'Aïd. Cela n'est pas obligatoire. Et c'est également le madhhab de Malik et de Shafi'i. Alors, en fait, parmi les ulama qui voient l'obligation, il y a une version de Ahmed, une parole à lui, et Al-Layth ou Al-Awza'i. Mais la plupart des savants, eux, voient qu'elle est moustahab. D'accord? Ils voient que c'est moustahab, qui n'est pas obligatoire. Et ça, c'est la parole, c'est le madhhab de Malik, de Shafi'i et de Ahmed. Mais Ahmed, il a une parole qui dit que, également, c'est wajib. Après, il dit quelles ont été leurs sarif anil wujub. C'est quoi la chose qui est sortie de l'obligation? Sur quoi il se base? Il dit la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé yani dhaha bikabshayn akranayn faqala lahum anni wa aman lam yudhihi an ummati ou min ummati. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a égorgé deux moutons, un yakorn, ça devait être deux béliers. Il a dit, ça c'est pour moi et pour tous ceux qui n'ont pas égorgé de ma communauté. Amen. Donc ils ont cru que cela démontre que ce n'est pas obligatoire, sinon ils ne l'auraient pas fait. Ou fi hadith Salama, fi sahih muslim, iza dakhala ala ahadikum al-ashir, ou al-ashir, ou fi riwaya iza halla hilal dhil hijjah, وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وظافره فالشاهد من الحديث أراد أحدكم أن يضحي. Donc il dit, si jamais dans le hadith de Moussalama apporté par Muslim, qu'il est dit que si jamais les 10 jours de Zulhijja rentrent et que l'un d'entre vous veut égorger, alors qu'il ne se coupe pas les cheveux et les ongles. Le shahid, c'est si l'un d'entre vous veut égorger. Donc c'est pas obligatoire, tu as le choix. Et il fut rapporté également de façon authentique de certains sahaba comme Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu et Omar radiyallahu anhu et Abu Mas'ud, Uqba ibn Amr, ibn Amir, qu'ils ont délibérément délaissé l'égorgement, le sacrifice, à certaines années pour démontrer aux gens que ce n'était pas obligatoire. Exprès, Bab al-Tarbiya, Ta'alim, pour enseigner aux gens que ce n'est pas obligatoire. Ils ne l'ont pas fait, volontairement. Pas tout le temps, mais à certaines occasions, ils ne l'ont pas fait. Ça, ça a été rapporté par, dans le Sunan al-Bayhaqi, avec des sunnahs authentiques, c'est une narration authentique. Donc après également ils ont répondu aux autres qui ont vu l'obligation dans le hadith que celui qui n'a pas égorgé ou du moins qui a égorgé avant la salat qu'il égorge après la salat que ce n'est que de la viande. Ce hadith là est tout simplement venu pour démontrer que celui qui a fait cela son action n'est pas acceptée en tant que adhiya car il y a des conditions. Parmi ces conditions, le temps. Et le temps c'est après la salat. Donc là ce hadith là ne démontre pas l'obligation de le faire mais juste si tu veux le faire et que tu l'as fait avant, c'est pas valable. Refais-le après. D'accord ? Je vais le refaire après. Donc ça, c'est la réponse. Et deuxième réponse à ceux qui disent que Yahani, dans le hadith de Al-Bara, elle touche d'Ani, elle est naq. La brebis, est-ce qu'elle rend mon action valide ? Est-ce qu'elle est valable ? Ils ont dit ça également, ça ne montre pas l'obligation. Ça montre tout simplement que l'action est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme une action obligatoire, yuqal, elle, mathalan, sallaytu al-duha fi kaza wa kaza, elle, yujza'anni. Si je prie le duha par exemple, à telle heure et telle heure et telle heure, est-ce que ça sera valable? Est-ce que le duha c'est obligatoire? C'est pas obligatoire. Donc, al-ijza, yani ibara an kaboul. C'est pour montrer que l'action est acceptée. Et non pas qu'elle est obligatoire. Car le jugement est le même, pour l'obligation ou pour le surrogatoire. Yujza, awla yujza. C'est pareil. Donc ce n'est pas une preuve. Le chir, lui, il voit que la parole la plus proche de la vérité, c'est l'istihbab. Cela est recommandé et non pas obligatoire. C'est ce qui apparaît au vu des preuves. Mais par contre, c'est un istihbab et un imu akkad. C'est fortement, très fortement recommandé. D'accord ? C'est très fortement recommandé. Comme le démontraient les versets qu'on a cités auparavant. Fasolli irabbika wanhar. Wa qala ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. D'accord, que pour ton Seigneur accomplir la salat et sacrifier. Ces versets viennent appuyer yani que c'est fortement recommandé. Car eux-mêmes ces versets-là laissent apparaître l'obligation. Mais on a trouvé le sarif qui sort de l'obligation. On a d'autres hadiths qui démontrent que c'est pas obligatoire. Comme tu sais, la sunna explique le Coran. Donc cette adoration parmi les plus grandes adorations qui soient, comme le prouve le Coran et ses ahadith. Car c'est une adoration basée sur la dépense. Tu dépenses tes biens pour Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et on regroupe les deux. C'est une ibada maliya ou badaniya. Maliya car tu dépenses et badaniya car tu égorges. Il y a une façon d'égorger, tu n'égorges pas n'importe comment. C'est pas que tu la bêtes n'importe comment, il y a une façon de faire. Donc ça rentre également dans les ahkam des badaniya. Donc elle est maliya et badaniya. Comme le hajj. Hajj, elle est maliya et badaniya. Avec les biens et avec le corps. Thumma su'ila. Ma hukmu imsaki et sha'r wal-adhafir. C'est quoi le jugement quant au fait de ne pas se couper les cheveux ni les ongles? Qu'en est-il? Il a répondu que si jamais on voit la nouvelle lune de Zulhijjah, qu'elle a apparue, c'est-à-dire que c'est le premier des produits de Zulhijjah, alors il lui est permis, avant le Maghreb de cette journée-là, de se couper les cheveux, les ongles, ce qu'il veut. Après cela, une fois que le premier de Zulhijjah est rentré, celui qui veut égorger, qui compte le faire, ne doit plus rien se couper, ni épiler, ni même enlever des choses de sa peau. Et la preuve, c'est le hadith de Umm Salama, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam amara bidhalika. Wa qala idha dakhalta wa dakhalat al-'ashr wa arada ahadukum an yudhi falyumsik أو فلا يمس من شعره شيئا وفي رواية وليمسك عن شعره وأظافره وأظفاره. C'est le même hadith qu'on a pris tout à l'heure qui démontre que l'égorger n'est pas obligatoire. Le hadith d'Umm Salama, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si jamais les 10 jours de Zulhijja y rentrent et que l'un d'entre vous veut égorger, alors qu'il laisse ses cheveux et ses ongles, c'est-à-dire qu'il ne les coupe pas. Et certains ulama comme Ahmed, Ishaq et Daoud et Rabi'a et d'autres voient que cela est haram. Enfin, ils voient que c'est makruh. Et d'autres ulama voient que cela est interdit, c'est haram, comme Sanani, Shawkani, Shamukbil, Al-Uthaymin, Rahimahumullah Ta'ala. Quand il y en a qui voient que c'est juste makruh, d'autres qui voient que c'est haram. Pour dire que c'est makruh alors qu'on a une interdiction, il faut un sarif. Le sarif, il n'est pas cité là. Il n'est pas cité. Je vous pose. Donc l'apparence, c'est que c'est obligatoire. C'est interdit de le faire. J'ai pas. Là, comme je dis, c'est un truc que bref. Il faudrait voir sur quoi se base ceux qui voient que c'est juste makruh. Est-ce qu'ils ont un sarif sur ce qui sort de l'apparence de l'interdiction. Lakin bina'an ala zahir an-nas, ana huwa haram. En se basant sur l'apparence du hadith, cela est interdit. Thumma su'ila, hal al-imsaku an ash-sha'ri wal-athari ala jami' afrad al-usrati am ala al-mudahhi faqat. Donc est-ce que cela, ce jugement-là, de ne pas se couper les cheveux ni les ongles, ni rien de la peau, est-ce que cela est valable pour toute la famille pour qui tu égorges, ou seulement celui qui égorge? Il dit, cela est juste pour celui qui égorge. Juste celui qui égorge. C'est basé sur le hadith qu'on a appris d'Umm Salama. إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِي. Si l'un d'entre vous veut égorger. Donc là, le discours est tourné vers une personne. Pour celui qui égorge. Quand tu égorges toi, comme cela va dans les règles, celui qui égorge, il égorge pour sa famille. Ceux qui sont à sa charge. C'est pas un mouton par personne ou une bête par personne. C'est par maison, c'est-à-dire par famille, des gens qui sont à ta charge. Donc là, juste celui qui égorge, par exemple, dit que c'est le père qui va égorger, il ne se coupe plus les cheveux, ni les ongles, ni rien, il arrache de sa peau, jusqu'au jour où il égorge. Si jamais c'est le fils qui va compte le faire, celui qui compte égorger. Ou plutôt, comme ça veut dire, celui qui a dépensé, en fait. Celui qui a dépensé, comme ça va venir, Inch'Allah, dans la question. Donc il dit, c'est celui, justement, qui va... qui dépense, donc c'est à lui, c'est lui qui prend la récompense de tout cela, donc c'est le jugement s'applique sur lui. Et ça, c'est le choix de l'imam Ibn Baz, Al-Uthaymin, Rahmatullah alayhima. Et ceux qui voient que, par contre, c'est toute la famille qui doit délaisser ses cheveux, les ongles et ces choses-là, hein, ce jugement-là, eux, ils se basent sur le fait que l'adhiya tashmalu kullahum, la bête sacrifiée les concerne tous. Que disent si elle concerne tous, le jument également les concerne tous. Tamam. Mais yani le hadith démontre que même si le jument les concerne tous par rapport au fait que tu égorges pour eux, c'est toi qui as dépensé, c'est toi qui égorges. Le jument de fait de ne pas se couper les cheveux ni les ongles on revient que à toi et pas à eux. Donc tu vois que lui c'est juste pour celui qui égorge. Et quand on dit celui qui égorge, celui qui a dépensé. D'accord ? Celui qui a dépensé. Et là, il appuie également que il voit la vie que lui, c'est interdit de se couper les cheveux et les ongles. Il voit que c'est haram. Car c'est l'apparent du texte. Et il ne cite pas le sa'arif. Les choses qui sortent de son apparent, qui interprète. Thumma su'ila, إذا كان ليس عنده أضحية ولم يعزم على الأضحية فأخذ من شعره وأظفاره ثم تيسر له أضحية في أثناء العشاء. Donc quelqu'un par exemple qui n'avait pas de quoi égorger et qui ne comptait pas le faire, donc durant les 10 jours il s'est coupé les cheveux, les ongles ou autres, et par la suite il a trouvé de quoi égorger, ou il a mis l'intention de le faire. Qu'en est-il? Il dit, lui, à partir du moment où il a mis la niya de le faire, de ce jour-là, de ce moment-là, il touche plus ses cheveux et ses ongles. Il n'y a rien du tout. Quand au début, il n'était pas concerné, il ne comptait pas le faire. Mais du moment où il a mis la niya, il compte le faire, Alors là, de là, il arrête. D'accord, de là, il arrête. Il ne se coupe pas les cheveux, il ne se plie pas les aisselles, il ne se coupe pas les ongles, il n'arrache rien de sa peau. À Kaza, une bachari. Après, Su'ila. Cheikh Sun, a'ta kamalan. لتشتري له أضحية ثم تذبحها له في يوم العيد فمن الذي يمسك maintenant quelqu'un t'a confié de l'argent pour que tu achètes une bête et que tu l'égorges pour lui et toi quel qui donc sur qui s'applique le jugement de ne pas se couper les cheveux et les ongles il dit que celui qui a payé alors celui qui paye car à la base la base de l'adoration c'est la sienne lui t'as juste wakkel il t'a confié de faire l'acte pour lui mais le plus important c'est que c'est lui qui a acheté la bête pour lui mais il t'a dit toi égorge-la pour moi donc là à ce moment là c'est lui qui doit arrêter de se couper les cheveux et les ongles pas celui qui égorge en soi non ثُمَّ سُئِلَ وَلَوْ وكلك شخص من أوروبا أو من أمريكا تذبح له هنا هل تذبحها بعد أن تصلي العيد أنت أو تنتظر بعد أن يصلي العيد هو donc maintenant même question si quelqu'un te délègue pour égorger pour lui il envoie de l'argent de l'étranger d'Europe ou d'Amérique il dit est-ce que toi tu égorges cet animal après que tu aies fait Salat al-Eid, toi, ou après qu'il ait fait Salat al-Eid, lui, dans son pays. Il dit que c'est après que lui, il ait fait Salat al-Eid. Car à la base, c'est la sienne, pas la tienne. Toi, tu es juste délégué. Donc les règles, elles reviennent à lui. Tout comme c'est lui qui ne se coupe pas les cheveux, ni les ongles, ni rien, également, ce qui est valable, c'est sa Salat à lui. Tu n'égorges pas avant que lui, il ait fait Salat. C'est un truc important parce que des frères, ils envoient aux frères à l'étranger qu'ils égorgent pour eux. Parce que souvent, par exemple, dans les pays comme en France, déjà c'est difficile de dégorger, plein de complications avec toutes leurs lois. Ils sont venus fatiguer les musulmans. Et également, il faut dire la vérité, les frères mangent tellement de viande au cours de l'année, parce que tous les jours, qu'ils ne se rendent même plus compte de la valeur de la chose. Pour beaucoup d'entre eux. Donc pour eux, il n'y a pas vraiment de sourour de manger de la viande. Même le mouton, c'est une viande qui n'est pas très... En France, c'est pas une viande qui est très convoitée. Donc ils préfèrent dire quitte à faire l'adoration, je prends la récompense, mais fais profiter à des pauvres à l'étranger, qui ne mangent pas beaucoup, ils égorgent eux, alhamdoulilah. Tout le monde le trouve son bonheur, comme on dit. Lui, il a sa récompense pour son adoration, et il nourrit des pauvres. Et il reste l'opportunité de pouvoir égorger. Donc à ce moment-là, toi, si tu égorges pour quelqu'un, c'est lui qui prend la récompense, donc les règles s'appliquent sur lui. Quoi qu'il en soit, les frères qui agissent de la sorte, ils sont remerciés. Et ça, c'est une chose qui est permise, d'envoyer à l'étranger pour pouvoir faire égorger pour toi. Même la harkika. Par exemple, des frères envoient à l'étranger pour faire que la harkika de leurs enfants soit pour eux, c'est permis. C'est un taoukil. C'est un taoukil. Donc ça, c'est permis. ثم سئل متى يبدا وقت الأضحية quand commence le temps de l'égorgement. Ça, c'est parmi les shurut, les conditions, le temps. À quel moment tu peux le faire? Donc la réponse, on l'explique au début, c'est après la salat. Quand même, là, c'est vu dans le hadith de Jundub, Ibn Abdillah, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Man zabaha qabl al-salat, fal yazbah ukhra mekanaha, wa man lam yazbah qabl al-salat, fal yazbah bismillah. » Celui qui est égorgé avant la salat, alors qu'il réégorge une autre bête à sa place, et celui qui n'a pas égorgé avant la salat, alors qu'il le fasse en nommant le nom d'Allah, en disant Bismillah. Et la plupart des ulémas voient que justement ça commence après la salat. Et ça, c'est la parole authentique sur le sujet. ثُمَّ سُئِلَ هَلْ يُشْتَرَطْ أَنْ يَكُونَ ذَبْحْ بَدْلَ خُدْبَةٍ Est-ce qu'il est conditionné que l'égorgement se fasse après la khutbah? يَنْ يَخُدْبَةِ الْعِيدِ Il dit, à la base, la khutbah, c'est pas une condition. D'accord? S'il a mis la salat, elle est terminée, du rid, c'est ça qui est obligatoire, les gens peuvent partir s'ils veulent. la khutbah en soi, c'est une sunnah. Ce n'est pas une obligation. Celui qui n'a pas assisté à la khutbah, n'y a pas de péché sur lui. Donc il est permis d'égorger après la salat directement. Non, elle n'est pas obligatoire. Certains voient qu'elle est obligatoire. Il y en a qui est obligatoire de dégorger après la khutba. Mais si tu fais après la khutba, ma fichée, pas le droit. À la base, tu as 4 jours pour le faire. Comme cela va venir. Donc ce qui est important, c'est de ne pas le faire avant la salat. Si jamais tu fais avant la salat, ta viande est comptée comme une viande normale, une sadaqa adia. C'est plus une adhiya. Tu n'as pas la récompense du sacrifice du ride. Thumma su'ila. Mata yantahi waqt al-adahi. Quand s'arrête le temps d'égorgement du sacrifice. Il dit, ça c'est à la fin des jours de tashriq. À la fin des 3 jours de tashriq. Comme c'est l'avis authentique sur la question. Il y a un hadith qui est venu, qui est clair, mais il n'est pas authentique. Il est da'if. Selon Jubair ibn Mat'am, عند البيهقي, قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أيام تشريق يوم ذبح كل أيام تشريق ذبح. Que tous les jours de tashriq sont des jours d'égorgement, de sacrifice. Le texte est clair, mais il n'est pas authentique. Car dans la chaîne de narration, il y a une coupure. Il y a de la confusion. Mais il fut certifié de certains sahaba qu'ils égorgeaient justement pendant tous les jours de tashriq. Comme Ibn Omar, comme Anas. Donc il est légiféré de faire le premier jour, le jour de Eid, puis le premier jour de tashriq, deuxième et troisième jour de tashriq. Car les jours de tashriq, leur jugement sont le même jugement que le jour du Eid. C'est les mêmes règles. Par exemple, le siyam interdit. Pendant le jour du Eid, tu n'as pas le droit de jeûner. Pendant ayam tashriq, kazalik. Ça prend le même jugement. La différence, c'est que pendant ayam tashriq, comme cela va venir, tu peux égorger, il n'y a pas de salat, donc tu peux égorger quand tu veux. Tu peux égorger quand tu veux à ce moment-là. Donc cette fatwa-là, c'est la fatwa de grands savants comme il a cité. Parmi eux, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymeen et Cheikh Mokbil. Wa rahmatullah alayhim jami'an. ثم سئل هل يجوز الذبح في أيام التشريق في أي وقت أم لابد من الذبح بعد الصلاة؟ Donc il dit qu'il est permis. La question c'est, est-ce qu'il est permis d'égorger pendant les jours de tashriq? C'est la même que l'autre en fait. Un peu la même que l'autre question. C'est à peu près la même que l'autre question. Il dit est-ce qu'il est permis d'égorger pendant les jours de tashriq? On a pris la réponse précédemment. Non, c'est permis. Et qu'il est permis de le faire de nuit comme de jour. Bien que la journée soit meilleure. Il y a des ulama comme Malik. Malik, il voit que la nuit, ce n'est pas permis d'égorger. Mais il n'y a pas de dalil là-dessus. Il n'y a pas de dalil, donc le qol, ayeb ou marjour. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'égorgeait que de nuit, que de jour. Donc ce qui est meilleur, c'est de faire comme lui. De plus, c'est là que viennent, si des gens viennent, des mendiants ou quoi, de la viande, ils vont venir la journée, ils ne vont pas venir la nuit. Donc le meilleur, c'est de prédisposer à la randonnée. Donc c'est quand le meilleur temps, c'est la journée, bien entendu. Comme le dit Ta'ala, « وَتْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرُ » Comme le dit Ta'ala, « وَتْعِمُوا الْقَانِيَا الْمُعْتَرُ » Donc, yani, nourrissez-en le pauvre besogneux et nourrissez-en le besogneux discret et le mendiant. Donc il est légiféré d'en donner au mendiant. Si quelqu'un vient te demander de la viande, parmi les gens qui ont le besoin et qui te demandent, tu leur donnes. Hadith min sunnah. Quant au hadith qui est venu, ce que des gens ils ont pris comme coutume de diviser l'adhiya en 3, il n'y a pas de preuve authentique. Un tiers pour toi, un tiers en cadeau et un tiers en sadaqa. Ça, il n'y a pas de dalil là-dessus. La viande, tu fais ce que tu veux. Tu veux la manger toi tout seul, tu peux. Tu veux donner entièrement quelqu'un, tu peux. Et tu veux donner moitié-moitié, un quart, un huitième-huitième, comme tu veux, ça te revient à toi. Il n'y a pas de dalil là-dessus. Donc, là, on prend que tu peux égorger lors des 3 jours de tashriq, le jour du Eid, plus 3 jours de tashriq. Sauf que le jour du Eid, c'est après la salat. Les autres jours, c'est quand tu veux. Et la journée, c'est meilleur. ثُمَّ سُئِلَ إِذَا ذَهَبَتْ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَ كَأَنَّ شُعِلْ بِشَيْءٍ شُعِلْ بِمَرَضٍ هَلْ يَذْبَحُ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ أَوْ ذَهَبَ الْوَقْتِ. Donc il dit maintenant si les 3 jours sont terminés, trois jours de tachriq, ils sont finis. Et que quelqu'un a été occupé, a été pris, il n'a pas pu égorger, soit pour des occupations ou pour une maladie, est-ce qu'il ressemble? Est-ce qu'il lui permet d'égorger un quatrième jour? Et quand on dit quatrième jour, comme ça va venir, le Yom al-Eid, il ne rentre pas dans l'Ayam Tashriq, c'est un jour à part. C'est Yom al-Eid, et après ça, tu as trois jours. Donc lui, il dit, est-ce que le quatrième jour de ces jours de Tashriq, il n'est pas mis d'égorger pour qui n'a pas eu le temps de le faire? Il dit, si le temps est terminé à la base et qu'il a volontairement délaissé cela, non. Il dit, s'il égorge, ce ne sera pas une adhiya, ce ne sera pas un sacrifice du Eid. D'accord? S'il l'a délaissé volontairement, il n'aura pas la récompense. Par contre, s'il lui arrivait des imprévus, il comptait le faire, mais il n'a pas pu. Par exemple, il est tombé malade. Ou alors qu'il a confié la charge à quelqu'un de faire pour lui. Cette personne-là, elle a pas fait dans le temps, par exemple. Ou qu'il a oublié. Quand elle le fait, elle a oublié. Il dit alors, on espère, Inch'Allah, qu'il puisse le faire par la suite. Et qu'Allah spontanément accepte de lui. Non. ثم سئل لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم؟ Pourquoi les jours de tashriq ont été nommés de la sorte? Pour cela, à la base, tashriq, yani sharraka yusharriku, c'est la dissécation de viande sous le soleil, c'est-à-dire le fait d'exposer de la viande sous le soleil, mettre de la viande sous le soleil. Et il dit justement ça la cause, c'est que il les faisait sécher au soleil, ces viandes-là, pour ne qu'elles pourrissent pas. Et qu'elles puissent être conservées 2 à 3 jours. Ou une semaine ou deux. Ils avaient une façon de faire, en exposant la viande au soleil, qu'elle reste conservée jusqu'à 2 semaines. Donc, ils exposaient la viande au soleil. Donc, c'est pour cela qu'elles ont été appelées Ayam Tashriq. Et à la base, en français, c'est il y a un comme je dis, c'est dissécation, il y a un exposition au soleil. Azam. Ils ont même des techniques avec du miel, avec du sel et autres pour garder la viande même des années. Comme ils faisaient à l'ancienne. Il n'y avait pas de salajah alors, il n'y avait pas de réfrigérateur avant. Mais ils avaient des techniques qui étaient là pour garder la viande longtemps, la conserver longtemps. En tout cas, on le voit. Et même c'est connu aujourd'hui, les bouchers font ça. Souvent les gens ils disent la viande quand tu viens de la couper, l'égorger, laisse-la sécher au soleil, d'abord. Elle sera meilleure par la suite. Même des bouchers conseillent cela. Non. Après, il dit là, comme on a déjà répondu, mais on le redit, Kem huwa aded ayem tashriq. Le tashriq, combien sont-ils? Il dit, ils sont 3. En plus du jour du Eid. Comme on l'a dit tout à l'heure, le jour du Eid, c'est 1, plus 3 jours après. Plus 3 jours après. Et là, le shir a fait une nasiha pour les gens, pour celui qui égorge, qu'il n'oublie pas à la base, car il est devenu coutume chez les gens maintenant de ces jours-là, c'est des jours de. Ils pensent qu'à la viande. Ils oublient l'immensité de cette adoration. Ta'zim al-ibadah wa min sha'niha, annaha min akrab al-kurbat ila Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parmi les plus grands actes de rapprochement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Faut pas oublier cela. Elle est irtisem, ce que tu fais. Faut pas voir seulement le fait de manger. En premier lieu, voir surtout que c'est une adoration. Donc il dit, faut faire attention que ne pas oublier la niya. D'accord? Ne pas oublier la niya. Là, qu'il dit dans le hadith, c'est un ayam tashriq. Ayam, shurb ou akl. Wa zikrillah. C'est des jours de manger, de boire, pour boire et pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les jours durant lesquels tu fais le takbir. ثم سئل ما حكم التسمية على الأضحية وإذا لم يسم هل يجوز الأكل منها؟ Donc il dit qu'en est-il du fait de nommer Allah sur cette adhiya, ce sacrifice, et que celui qui est oublié est-il permis de manger de sa viande? Et il dit tasmiya également, tasmiya, le fait de nommer, c'est une condition. Ça fait 2 conditions, on a pris l'heure, le temps, et là maintenant le fait de nommer Allah. Donc il dit c'est obligatoire de le faire. Et qu'il s'agisse même de Adhiya, c'est-à-dire pour l'Aïd ou pour autre. tout égorgement que tu fais, tu dois nommer Allah. Comme Allah Ta'ala, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Et ne mangez pas de ce dont le nom d'Allah n'a pas été évoqué dessus. Car cela est de la perversion. Donc cette viande-là, celle qui n'a pas été, sur laquelle le nom d'Allah n'a pas été évoqué, il n'est pas permis d'en manger. Donc ça, c'est une condition pour tout égorgement. Aqiqa, diyafa, invitation, tijara, pour le commerce, adhiya, pour l'id, faut nommer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال وماذا لو نسي التسميه et si il oublie de nommer, qu'est-ce qui se passe? Il dit, les ulama ils ont divergé là-dessus. Certains ils disent que s'il a oublié, quand il ferme, il a oublié, des fois ça arrive, et comme on dit, sur le moment, t'as oublié. Par exemple, quelqu'un il n'a jamais égorgé de sa vie. La première fois il vient pour égorger, il est tellement sous la pression qu'il a peur, il ne connaît pas, il a oublié de dire bismillah. Comptez le faire, il sait qu'il faut le faire, mais dans le feu de l'action, on oublie de le dire. Quand même. Donc, qu'en est-il de sa viande? Et des ulama disent, s'il a oublié, mais il comptait le faire, Inch'Allah, sa viande, elle est mangeable. Comme quand le Ta'ala, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Au Seigneur, ne nous prends pas si nous avons oublié, ou si jamais nous avons fauté, involontairement. Donc, il dit même que c'est la vie de la plupart des savants, qui voient que celui qui a oublié, il est excusé. Donc sa viande, elle est mangeable. Après, c'était le mazhab de Ahmed et d'autres parmi les gens de science qui voient que c'est pas permis. Mayajouz, qui n'est pas permis de manger une viande qui a peu de tasmiya, qu'il ait délaissé volontairement ou pas. Et encore, volontairement, il a pris un péché, à la base. Mais s'il a oublié involontairement, ils ont dit, même s'il a oublié involontairement, il n'a pas de péché. Eux, ils prennent le même verset pour dire, en fait, la tu'akhizna, pas de péché. Voilà, toi t'as pas de péché, mais ta viande, elle n'est pas consommable. Ta viande, elle n'est pas à consommer. C'est le qui a oublié. Et c'est l'apparent du verset. Voilà ta'kulu mima, la muskalis mullah, allez, et ne mangez pas de ce dont le nom d'Allah n'a pas été évoqué dessus. C'est ça qui va avec. Après, si Fumaso ila Mada lawqala bismillahi fakat, wa lam yakul Allahu akbar, al yihil ou tahil azabiha. Il dit, si par exemple, il a juste dit Allah, il a juste dit Bismillah, et il n'a pas dit le takbir, il n'a pas fait Allahu Akbar. Est-ce que la viande est licite? Il a dit Naam. La viande est licite. Thumma su'ila ziyarat al-takbir, hal ata fi kulli zabihatin ou fi al-adahi. Est-ce que le takbir, cet ajout est propre, spécifique au sacrifice du Eid ou pour tout égorgement? Il dit à la base, c'est venu que pour la adahi, le sacrifice. Et que pour ce qui est autre que la adahi, il se contente de dire Bismillah. Et justement, le takbir, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait, le jour du sacrifice du Eid, dans un hadith rapporté par Anas et Aïcha. Donc le takbir est mustahab. Et la tasmiya, c'est un shart, c'est une condition. Mais certains ulama, ils ont dit, si jamais quelqu'un fait analogie sur le sacrifice du Eid avec autre, ils ont dit pas de mal. Par exemple, demain tu égorges un animal pour la aqiqa, مثلاً, tu dis Bismillah Allahu Akbar, ils ont dit il n'y a pas de problème. Mayador. Mais ils voient que le plus proche, sur l'apparence du texte, c'est de se contenter de dire la tasmiya, le takbir pour la dahi, et la tasmiya toute seule pour les autres. Non. طيب, ثم قال سئل هل توجيه الذبيحة للقبلة شرط أم لا؟ Est-ce que le fait de diriger l'animal vers la qibla, c'est une condition ou pas pour que l'égorgement soit accepté? Il dit non, c'est pas conditionné. Enfin, aucun des ulama a dit qu'il fallait mettre l'animal en direction de la qibla pour que la viande soit acceptée. Mais cela est meilleur. Car il fait rapporter de Ibn Omar, radhiyallahu anhu, avec un isnad authentique, que lui dirigeait la viande vers la qibla. Mais cependant, cela, ce n'est pas une condition, ce n'est même pas obligatoire. Car il dit que la plupart des gens s'imaginent que si jamais tu ne fais pas ça, ils se mettent à crier, ils ne sont pas contents. Ils ne mangent pas ta viande. Parce qu'ils voient que c'est une condition. Ça, c'est du jahl, c'est de l'ignorance de leur part. À la base, ce n'est pas une condition. Si tu le fais, c'est mieux. Si tu ne le fais pas, ma affiché, ma alik. Mais si tu veux éviter des problèmes, fais-le. Et ou sinon, tu ne le fais pas, en même temps, tu expliques aux gens. Avec douceur, d'accord, la délicatesse, tu leur expliques que ça, le fait de tourner la viande, l'animal vers la qibla, c'est pas une condition. Pas de condition. Car des gens, si tu ne le fais pas, ils ne mangent pas de ta viande. Ils voient que ta viande, elle n'est pas halal. طيب ثم سئل لو قال ذابح بسم الرحمن بدل من ان يقول بسم الله كيكاي دي بسم الرحمن وبسم الرحيم وبسم الرزاق اسم من اسماء الله دي نيمبورت كيل نون parmi les noms d'Allah سبحانه وتعالى à la place de Allah est-ce que cela est valable il dit oui il y a pas de problème c'est valable aussi mais la sunna c'est بسم الله ثم سئل هل يقول اللهم منك ولك تقبل مني في الأضحية. Est-ce qu'il y a un dua à dire? Dans le sens du dua serait: Ô Allah, venant de toi et pour toi, accepte de moi. D'accord? C'est-à-dire cette viande vient de toi, elle a été égorgée pour toi, accepte de moi. Dans l'égorgement du sacrifice. Est-ce que cela est légiféré de dire cela? Allahumma minka wa laka taqabbal minni. Il dit: Il fut affirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit cela. Allahumma taqabbal minni wa min ummati. Wa fi riwaya Allahumma taqabbal minni. Qui est plusieurs versions. Et dans un hadith de Jabir, d'ailleurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Ô Allah, accepte de moi et de ma communauté. Et dans une version qu'il a dit: Ô Allah, accepte de moi. Il y a plusieurs versions. Et dans un hadith de Jabir et de Abu Huraira, rapporté par Bayhaqi, أنه قال اللهم منك ولك Seigneur venant de toi et pour toi quand au hadith cité au début qui sont dans Sahih Muslim le hadith rapporté par Muslim il n'y a pas cet ajout يعني لك ou منك il n'y a pas cet ajout là dans Sahih Muslim juste c'était rapporté اللهم تقبل مني également chez Muslim selon Aïcha أنه قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد dans un hadith rapporté par Aïcha chez Muslim qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam au nom d'Allah ô Allah accepte de Muhammad de la famille de Muhammad et de la communauté de Muhammad akadakol بسم الله اللهم اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد akada Donc ça c'était les premières questions qui lui ont été posées. Et on a précipité ça parce qu'en fait c'est du fait que yani aujourd'hui on est vendredi. Bon ça va être trop tard quand même. Car après le Maghreb c'est le premier. Donc ceux qui devaient se couper les ongles, les cheveux ou quoi, qu'ils sachent à l'avance. C'est pour ça qu'on a Adjel. On a précipité la chose. Donc ça c'était les fatawa du Shia par rapport à certaines règles. Tamam. فنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك